Jeep! Éthiopie! Toutes les Jeep Rock, toutes les sortes. Il y en a plein, il y en a partout, il faut des Jeep. T'en veux-tu? On en a plein des Jeep. Il faudrait deux fois plus de Jeep sans Jeep Rock, sans contreplaqué et sans contredit. Faudrait le dire. Jamais sniffé de ligne assez longue pour en perdre le nez. J'ai jamais sniffé de ligne. J'ai jamais perdu mon nez.